Rappeur provincial, je débarque dans le rap comme un aigle royal. 18 pigeons au compteur, je vais me faire des ponts sous vos projecteurs. La rage dans le sang, j'avance toujours vers l'avant. Plein d'émotions, mon cœur c'est le moteur de mes actions. Je suis juste rappeur, pas acteur, braqueur, ni voleur. La mort viendra me faire cher uniquement quand ce sera mon heure. Y'en a pété des jaloux et des haineux qui veulent me vécu. Car la terre n'hésite pas le danger, je chantais le saumur à Angers sans trembler. Je viens prouver que le flow n'est pas que dans la capitale. Que même pour une embrouille bestiale, je disais jamais de flingue. Car mes seuls vrais reflets sont mes mains, ma tête et mes pieds, car eux au moins ne seront jamais tombés. Sauf si un taré décide un jour de m'amputer. Mais bon, on dit que l'avenir est déjà tracé. Alors je viens me poser dans ce destin qu'on m'a imposé. La vie et la mort sont deux extrêmes qui se kiffent à mort. Surtout quand on dit que la mort n'est que la suite de la vie. 2000 génération la con, crime avec anarchie, rébellion. J'ai remonté le moral à ceux qui ne l'ont plus. Une vie on en a qu'une, elle vaut le coup d'être vécue. L'amour c'est merveilleux, ça rend con heureux. Moi j'aime une femme, enfin je crois que j'en aime plusieurs. Je crois bien que je suis paumé entre l'amour et l'amitié. C'est une raclée de mon 06. Je suis balance désolé poupée, mais mon cœur s'en occupait. Laisse un message et si tu me plais je te rappellerai. Valdawa en France, c'est la crise, la délinquance. Alors monsieur le président, vous faites quelque chose là. Et c'est pas ce pays, sombré dans la connerie. Je veux pas donner de leçons, mais ce qui me tue c'est de voir des innocents en prison. Voir des gosses crever la dalle pendant qu'il y en a qui se plaignent devant un steak frites salade. Voilà petit, c'est mon style, mon mode de vie. Avant que la mort me fauche, compte bien en profiter. Même si vides sont mes poches. Même si vides sont mes poches.